au marché, tu peux tout trouver, des patates et du poisson, des savates et du savon. Au marché, tu peux tout trouver, et le samedi du pissenlit pour faire joli. Un chou-fleur pour ta sœur, trois œufs pour le prix de deux, du hachis pour midi. Le dessert que tu préfères, c'est la vanille pour les petites filles et le citron pour les garçons. Au marché, tu peux tout trouver, des patates et du poisson, des savates et du savon. Au marché, tu peux tout trouver, et le samedi du pissenlit pour faire joli. Un pot de colle pour l'école, quelques clous pour quelques sous, du shampoing pour le bain, la pommade pour malade, une théière pour grand-mère et du tabac pour grand-papa. Au marché, tu peux tout trouver, des patates et du poisson, des savates et du savon. Au marché, tu peux tout trouver, et le samedi du pissenlit pour faire joli. Des guirlandes pour Yolande, la barbe à Saint-Nicolas, un banjo rigolo, des boutons pour ton veston, et si t'as faim, y'a du bon pain chez le boulanger juste à côté. Au marché, tu peux tout trouver, des patates et du poisson, des savates et du savon. Au marché, tu peux tout trouver, et le samedi du pissenlit pour faire joli. Et le samedi du pissenlit pour faire joli.